Pour votre question, Laurent, pour devenir français, devra-t-on passer par question pour un champion? Peut-être, on apprend en tout cas ce matin que la culture, la géographie, plus généralement la connaissance fine de la société française vont être introduites dans les tests de naturalisation à partir du 1er juillet prochain. Et déjà, le ministère de l'Intérieur a soumis un questionnaire à 2000 candidats à la nationalité, très récemment, Christophe Ponzio. Vous avez vu les questions, Christophe, ça donne un aperçu de ce QCM, hein, ce qu'on appelle un questionnaire à choix multiples. Exactement, 60 questions à choix multiples. Exemple, Edith Piaf est-elle une championne de cyclisme, une spécialiste des oiseaux ou une chanteuse? Alors la facile, me direz-vous. Ça va. Autre test, à qui associez-vous l'Arc de Triomphe sous le monument justement face au vent? J'ai donc demandé à ces trois étudiantes françaises de répondre. Napoléon, le général de Gaulle, Jules César, je dirais le général de Gaulle. Moi aussi. Vous en êtes sûr? Non. Ça va, c'est plutôt simple. Oui, alors finalement, pas si simple pas que simple ça, puisque oui. la bonne réponse, c'est bien sûr Napoléon. Reste que sur les étrangers testés, le ministère assure que le taux de bonne réponse varie entre 70 et 80%. Les Français, eux, ne sont pas vraiment convaincus par cette nouvelle épreuve. Il faut avoir un minimum de connaissances historiques. Après, il y a des questions qui sont complètement stupides. La tour Eiffel a été construite pour attirer les touristes. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ces questions, hein? Il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Bah, c'est pas forcément évident. Que les Français commencent par l'avoir, et après, on verra ce qui se passe après. Ouais, pourtant, ce sont les connaissances d'un élève de fin de primaire sur le ministère. Nancy est d'origine américaine, s'est faite naturaliser il y a 6 ans. Elle est séduite. Je crois que ça, c'est une très bonne idée. Franchement, moi, je n'ai eu aucune preuve à passer. C'est une bonne chose d'avoir un petit enseignement sur la culture et l'histoire de la France. Alors, bonne ou mauvaise idée, une vingtaine d'historiens reconnus et d'experts est chargée d'élaborer le programme et de le renouveler pour éviter, bien sûr, les tricheurs. Des historiens et des experts, ils vont bien s'amuser.